Audiomatique. Amorcer la transmission 5-4-5 d'Audiomatique, les sonoristes ont choisi de vous présenter l'artiste montréalaise Marie Davidson de son sixième et plus récent album studio City of Clowns. Nous écoutions la pièce Unknowing. Et maintenant, c'est au tour du groupe français Les Discrets d'assurer la continuité à Audiomatique. Nous avions droit à Audiomatic, à la formation belge Slow Crush, de son deuxième album Hush, sorti en 2021, nous en entendions la pièce-titre. Tout juste avant Slow Crush, nous avions droit à la musique du groupe suédois PG Lost, de l'album PG Lost and Wang Wen, qui regroupe des pièces du groupe suédois PG Lost et des pièces du groupe chinois Wang Wen, nous entendions la pièce Desperdicio Part 2. Et pour débuter ce bloc musical, il s'agissait de la formation française Les Discrets, de son deuxième album intitulé Ariette oubliée, lancé en 2012. Nous vous avons diffusé la pièce La Traversée. Audiomatic se poursuit maintenant avec la chanteuse écossaise Dot Allison. Of time. You watch them grow. But time went so fast when you want them to stay. Yeah. À Audiomatic, nous venons tout juste d'entendre le groupe américain Woven Hand de son 7e album Refractory Obdurate, paru en 2014. Nous vous avons offert la chanson Salomé. Précédemment à Woven Hand, c'était la formation anglaise Doves de son 6e album Constellations for the Lonely, sorti le 28 février 2025. Il nous présentait la chanson Last Year's Man. Et en amorce de séquence, l'artiste écossaise Dot Allison nous interprétait la chanson Bleached by the Sun, extraite de son album Consciousology, lancé en 2023. En conclusion de cette transmission 545 d'Audiomatic, nous avons décidé de vous faire entendre le groupe anglais Static Sound System de l'album compilation In Dub Volume 1, paru en 2024. Nous entendrons la pièce Revolutionary Pilot, qui a été créée originalement en 1995. Nous vous donnons bien sûr rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour une autre transmission d'Audiomatic. Soyez attentifs au contenu que nous publions sur nos plateformes et sur facebook.com/audiomatic-cfou si jamais vous êtes intéressé à entendre ou même réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Voici donc Static Sound System avec la pièce Revolutionary Pilot. C'était Audiomatic avec les sonoristes.